je fais des concerts à Washington DC. Y'a le Merco, la BM et je fais la Ferrari. Ouais, je suis le resta, qu'est-ce qu'il y a? Dans 2-3 ans, il faut un César. Pour ça, faut un costard, quelle marque? LV Balmain, j'ai le choix, j'ai moula illimité, moula illimité. Moula illimité, moula illimité. La mala pour de vrai, c'est la mala pour de vrai. La mala pour de vrai, c'est la mala pour de vrai. Le cœur est épuisé, mais ça va aller. J'arrive sur le tech-tech, Sadio Mané. C'est quand qu'il arrive le greffier. Il est midi et quart. Sors du placard. Je danse comme Lingard. Sacré galère, artiste interfils. Ne compare pas nos assets. Maintenant c'est comment on reprend les commandes. Je suis là pour chément, t'es mal le trouvant. Kishta de toutes couleurs. C'est plus que t'as l'air. Multi-entrepreneur. Toi tu cherches RT sur Twitter. C'est là. A tout moment frère ça peut péter. À tout moment frère ça peut péter. À tout moment frère ça peut péter. Tu connais. À tout moment frère ça peut péter. Moula illimité.